Hello, bon mardi à toi et bienvenue sur Bisoy pour ton Morning Bisoy de ce mardi 28 avril 2026. Il est 7h et on est le deuxième jour de la semaine, hein, celui où on ne peut plus dire c'est le début, mais où on n'est pas encore dans le sprint final non plus. Hein, genre d'entre-deux, hein, c'est un peu ce moment charnière où soit tu trouves ton rythme, soit tu le subis, et la meilleure chose c'est vraiment de trouver son rythme. Alors ce matin, on va faire en sorte justement que tu le trouves. Peut-être que tu es déjà sur la route pour te rendre au taf ou en cours, peut-être que tu émerges doucement, toujours sous tes draps bien au chaud, peut-être même que tu es encore en train de négocier avec ton réveil. Dans tous les cas, t'es au bon endroit. Ici, on va prendre une vingtaine de minutes pour remettre les choses dans le bon sens, du son, un peu de recul, beaucoup de sourire et surtout de l'énergie qui sert vraiment. Et on démarre tout de suite avec un titre bien de chez nous, un son qui a marqué toute une génération électro, Dance de Justice. C'est tout de suite sur Bisoy. Bon réveil avec nous. Working day. Justice, la French Touch, la touche française dans toute sa splendeur. Ce qui rend ce morceau aussi particulier, ce sont ces chœurs d'enfants qui donnent une impression presque nostalgique, alors que la prod est hyper moderne. Et en fait, ça marche parce que ça parle à deux choses en même temps, et ça parle de deux choses en même temps. Ça parle à ton énergie d'aujourd'hui et en ton souvenir d'hier, voilà. C'est ça qui est beau et ça c'est un bon point à garder en tête aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de tout réinventer. Parfois tu peux simplement t'appuyer sur ce que tu sais déjà faire. Tiens, petite question pour la petite minute de curiosité du jour. Pourquoi, d'après toi, le mardi matin est souvent plus dur que le lundi ? Parce que le lundi, il y a encore une forme d'élan, de nouveauté, de nouvelle semaine, mais le mardi, là, ton cerveau comprend que c'est reparti pour plusieurs jours. Résultat, moins de dopamine et plus de résistance mentale. La solution ? Ne pas chercher la motivation, mais lancer l'action. Parce que le cerveau adore suivre le mouvement une fois qu'il est lancé. Allez, on enchaîne avec un titre qui a clairement relancé une vibe disco-pop ultra efficace, Don't Start Now, de Dua Lipa, une chanson et une artiste que j'apprécie tout particulièrement, et je te passe ça tout de suite sur Bisoy. Ce morceau, Don't Start Now, de Dua Lipa, repose presque entièrement sur sa ligne de basse. C'est elle qui fait tout. Elle te guide, elle te porte, elle t'empêche de décrocher. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'en musique, comme dans la vie, parfois un seul élément solide suffit à tenir tout le reste. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. C'est quoi ta base solide du jour ? Un objectif, une tâche, une intention, garde-la et construis toutes les fondations et construis toute ta journée autour de cette base. Allez, on enchaîne sur les bons plans culture. On va changer de style musical, car jusqu'à demain, tu peux retrouver le festival Brassens. Tu t'en doutes, c'est un festival consacré aux grands chanteurs français, Georges Brassens. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un hommage à Georges Brassens avec des concerts, plus une bonne ambiance chanson française. Cet événement se termine demain. Tu as donc encore aujourd'hui et demain pour t'y rendre si tu es fan de l'artiste. Par exemple, aujourd'hui, à 16h, tu pourras aller écouter Jean-Yves Liévaux, un artiste qui viendra rendre hommage à sa compagne malheureusement décédée. Ça promet donc de grandes émotions et à 21h ce soir, tu pourras aller écouter Justine Jérémy, une chansonnière qui s'accompagne à l'accordéon en tant que première partie suivie de « Les jetés de l'encre ». Alors, tu te demandes peut-être où ça se passe. Eh bien, ce festival se déroule à Vaison-la-Romaine, c'est dans le Vaucluse, en région PACA. Et on continue avec un autre festival qui commence à partir de demain et jusqu'au 3 mai. Tu pourras aller faire un tour du côté du Limoux Brass Festival. Ça se passe donc à Limoux, dans l'Aude, en région Occitanie. C'est un festival qui pétille au son des cuivres. Ce sont 4 jours de concerts et de musique. Chaque jour, plusieurs concerts auront lieu et autant te dire qu'ils ne chôment pas. Pour te donner une idée, jeudi il y aura 6 concerts, vendredi il y en aura littéralement le double et samedi il y en aura 11 et dimanche il y en aura 7. Je te laisse aller voir sur le site internet du festival, du Limoux Brass Festival, et je suis à peu près sûr que tu trouveras chaussures à ton pied. Allez, on termine cette montée en énergie et ce Morning Bisoy avec un morceau qui porte bien son nom. Heroes We Could Be de Alesso en duo avec Tovlo. Si tu veux traduire le titre en français, ça donne héros que nous pourrions être. Grosso modo, c'est ça. Je te le passe tout de suite sur Bisoy. Merci d'être avec nous et merci de commencer ta journée et ta matinée en notre compagnie. We are C'était Heroes We Could Be de Alesso en duo avec Tovlo. C'est un titre construit comme une montée progressive, presque émotionnelle. Il démarre doucement, puis il t'embarque. Et c'est ça qui le rend parfait pour une matinale, pour un morning, car il accompagne ton réveil, puis il t'emmène plus loin sans que tu t'en rendes compte, et peut-être qu'il te donne la joie et la motivation pour démarrer ta journée de taf ou de cours, ou pour démarrer ta journée en globalité. Et quelque part, hein, c'est exactement ce qu'on cherche à faire ici, hein, tous les matins, comme je te le disais, t'attraper là où tu es et t'aider à aller un peu plus loin. On te soutient, même à distance, tous les jours, tous les matins. Et on termine avec l'horoscope Bisoy, comme tous les jours, et on commence avec les béliers. Tu peux aller vite aujourd'hui, hein, mais garde une direction claire. Taureau, stabilité et constance, ce seront tes meilleurs alliés aujourd'hui. Gémeaux, ta parole ouvre des portes, utilise-la bien. Cancer, prends un moment pour toi avant de te lancer. Lion, tu dégages quelque chose de fort aujourd'hui, assume-le. Vierge, avance étape par étape, ça va payer, c'est sûr. Balance, privilégie les échanges simples et honnêtes. Scorpion, ton intuition peut t'éviter une erreur. Sagittaire, tu as besoin de mouvement, alors écoute ce besoin. Capricorne, tu construis quelque chose de solide, même si c'est lent, doucement mais sûrement comme on dit. Verseau, une idée originale mérite d'être testée aujourd'hui. Et enfin, poisson, douceur et lucidité seront ta force en ce mardi 28 avril. Voilà donc pour ce mardi matin sur Bisoy et pour ton morning Bisoy. Si tu devais garder une seule chose de cette matinale, ce serait peut-être ça. Tu n'as pas besoin d'avoir toute l'énergie tout de suite, tu as juste besoin de commencer. Et le reste suivra. Prends soin de ta journée, prends soin de toi, fais-en quelque chose qui te ressemble, même dans les petits détails. Et surtout, n'oublie pas, tu avances même quand tu as l'impression de stagner. On se retrouve dès demain, dès 7h sur Bisoy pour ton prochain morning. Et d'ici là, reste connecté et surtout, garde le rythme. Salut et à demain.